Les gens boivent beaucoup le pastis, vraiment. Après, ils vont se baigner dans l'eau, ils vont pipi dans l'eau. Vraiment, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Ah. C'est l'eau à moins 30 degrés. L'eau, elle est montée à 30 degrés hier. Vraiment, je vais se demander pourquoi. J'ai vu les gens pipi le pastis. Je suis déçu. J'ai vu les types qui buvaient les pastis, les bières, ils fumaient les cigarettes. Je suis déçu. Je vais me baigner dans l'eau salée. Thank you. everyone. Merci à la population de Ninja. Je remercie. Je vous remercie pour ce moment. Je ne suis pas déçu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.